10 au 21 février, vivez les championnats du monde de Paul Yuka sur RTL de Massif de Savoie. Avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, Cave d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h, retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à l'heure du biathlon avec Comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies.